Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture, où aujourd'hui je reçois une invitée très particulière parce que je l'ai rencontrée au salon Automne des Arts à Tomblaine, qui est un salon annuel. Martine Lambollet, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans l'émission littéraire Caprice de lecture de Fadjet, pour parler de vos différents livres, mais aussi pour parler de vous. Alors Martine, comme c'est la première fois que vous venez au micro de Caprice de lecture, voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc il y a quatre grandes questions, avec deux coupures musicales de votre choix. Et en dernière question, vous nous ferez part de votre caprice de lecture, c'est-à-dire un livre que vous avez lu, que vous avez aimé et que vous souhaitez partager avec les auditeurs. Martine, est-ce que vous êtes prête ? Oui. Alors, vous avez écrit pléthore de livres, que ce soit pour adultes ou pour enfants. Moi, j'ai choisi d'en retenir deux, Une amitié si particulière et La promesse oubliée. Je les ai choisis, alors non pas parce que c'est en tête des ventes ou n'importe quelle autre raison, je les ai choisis parce qu'ils sont venus me chercher. Ils sont venus chercher chez moi, voilà, des thèmes peut-être un peu sensibles et j'avais très envie qu'on en parle. Alors, dans Une amitié si particulière, justement, on parle d'amitié, on est à la limite de l'amour. Voilà, ça peut être très, très ambigu. Hélène est-elle une part de vous ? Oui, complètement, complètement, parce que c'est quelqu'un qui est très fleur bleue, très légère, très... Vous êtes un peu naïve, on va dire. Je suis très, encore même à mon âge, je suis encore un petit peu naïve d'ailleurs. 45 ans, vous êtes naïve. Oui, 45, c'est avec 20 de plus, mais je suis, oui, j'ai toujours mon côté un petit peu femme-enfant, où je crois encore que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et d'accord. C'est un petit peu compliqué. C'est vrai que ça ressort dans mes livres, parce qu'Hélène, elle est vraiment, c'est vraiment une jeune fille naïve qui croyait vraiment... Ok. Voilà, et qui ne s'attendait pas du tout non plus à trouver cette amitié avec cet homme qui, lui, avait une singularité aussi. Oui. Donc, leurs rapports sont devenus forcément un peu ambigus. Et Hélène, en plus, dans sa vie personnelle et familiale, elle n'est pas malheureuse, mais elle n'est pas très épanouie. On comprend vite dans le roman que bon, son mari est là, elle fait le ménage, elle fait les courses, elle s'occupe des enfants, elle prépare à manger, etc. Bon, lui est là, mais il est un peu en toile de fond. Il est presque, il va travailler, il rentre, il regarde la télé, et voilà quoi. Et est-ce que justement cette situation dans sa vie personnelle n'a pas permis cette ambiguïté avec ce beau jeune homme qu'elle va rencontrer ? Parce qu'on sent bien que ça la perturbe en plus, cette amitié. Bah oui, bien sûr, parce qu'en fait, elle a une vie classique avec des enfants, comme oui, vous dites, la maison, le boulot, et au travail, elle a la chance de rencontrer cet homme-là, et en fait, elle s'aperçoit qu'il existe autre chose, c'est-à-dire qu'avec cet homme-là, elle partage des choses qu'elle ne partage pas avec son mari. C'est-à-dire que son mari, il va travailler, il rentre, il est pourvu qu'il ait sa télé. C'est toujours le même, on appelle ça le même ronron, quoi. Voilà, le même ronron, et il ne s'implique pas vraiment dans la vie quotidienne. Et le fait d'avoir rencontré ce jeune homme, ça met du piment dans sa vie. Voilà, tout à fait ça. Elle s'en met du piment dans sa vie parce qu'en fait, elle s'aperçoit qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'intéresse à elle, quelqu'un qui a des attentions avec elle, qui a des gentillesses. Et qui l'apprécie pour ce qu'elle est, elle, et non pas pour ce qu'elle fait. Voilà, c'est ça. Donc, elle se retrouve vraiment dans son rôle de femme avec cet homme, quoi. Pas dans son rôle de maman et de ménagère. Ouais. Et donc, c'est ce qui fait qu'on est un peu sur le fil amitié-amour. Oui, c'est très tendancieux parce que le personnage en question, bon, bah, évidemment, il est un petit peu spécial, je veux dire, avec une sexualité spéciale. Oui. Et ça n'empêche pas qu'il y a quand même ce... Il y a une espèce d'attirance entre eux. Voilà, c'est l'attirance entre eux tous les, qui est là et qu'on ne peut pas nier. Il y a une attirance qui est forte et contre laquelle la jeune femme, Hélène, veut lutter. Et elle a du mal. Elle a du mal, bah oui, parce que c'est compliqué. L'attirance est tellement forte quand l'autre personnage est là. Il partage tellement de choses que presque... C'est comme si c'était son jumeau spirituel. En plus d'avoir un physique agréable. Quand on lit, voilà, en plus, on se rend compte que c'est plutôt un beau gars. C'est un beau gars, oui, c'est un beau gars. Et du coup, en plus, intellectuellement, effectivement, comme vous le dites, ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Quoi. Tout à fait, la même longueur d'onde. Alors... En fait, elle l'invite chez elle. Oui. Donc, il vient à la maison, il partage des moments de vie avec même les enfants. Oui. Où il prend une place qui, quelquefois, n'est pas vraiment la sienne. C'est comme s'il s'imposait quelque part. Voilà. Quand il dit aux enfants quoi faire, etc. C'est ça. Et c'est compliqué pour elle. Bah, c'est compliqué pour elle parce qu'elle l'apprécie tellement, mais elle voit bien qu'il a un petit côté culotté quelque part. Oui. Il a un petit côté sans gêne qui fait que c'est pas facile à gérer avec son mari. Oui. Et elle a un mari qui est effacé, qui est un petit peu mou, qui a pas trop de caractère. Alors, entre le mari qui est un peu comme ça et puis en fait... qui est aux antipodes, l'autre, voilà, en fait. Voilà, hein. Et l'autre qui est vraiment aux antipodes, qui se permet même des choses avec les enfants parce que c'était comme si c'était les siens. Enfin, il est vraiment à son aise chez lui, quoi. Et c'est vrai que ça pose problème à Hélène parce qu'elle ne sait plus trop où elle en est entre les deux. Et puis, elle a tellement sa moralité de femme mère au foyer, de ça ne se fait pas, et puis non, je ne peux pas, puis j'ai mes enfants, puis jamais je passerai le cap, qu'en fait, c'est toute une situation un peu spéciale qu'ils installent. Justement, parce qu'on sent bien que voilà, la tension monte entre les deux, une espèce de tension amoureuse, mais... Voilà, sans rien dévoiler, il va arriver des épreuves médicales, essentiellement, familiales aussi, où quand on lit le livre, on se dit, mais comment, et c'est la question que je vous pose, comment votre personnage trouve cette résilience et ce courage ? Moi, aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que moi, j'aurais cette force ? Est-ce que, comment on fait pour avoir cette force ? Ben, je pense que sa force, elle l'a simplement puisée dans sa famille. Voilà. Ouais. Ses enfants, c'est toute sa vie. Et je pense que... Est-ce que ce n'est pas le cas de 100% des mères ? Je ne pense pas. Pas 100%. C'est vrai ? Non, ça, j'en suis intimement convaincue. Non, pas 100% des mères ne sont comme ça. Il y a des femmes qui ne sont peut-être pas faites pour être mères, mais elles ne le savent pas. Il y a des femmes qui sont plus femmes que mères, et il y a des mères qui sont plus mères que femmes. Oui, moi, je suis plus mère que femme. Enfin, j'ai été plus mère que femme avec mes enfants. Moi, je suis plus mère que femme. Oui. Voilà. Mais il y a des femmes qui se font passer leur vie à elles avant leurs enfants. Ah, ça, j'en connais, il faut le savoir. Il y a des femmes qui préfèrent mener leur vie, elles, et les enfants sont en second plan. On les met chez la nounou, en garderie, enfin, tout ce qu'on veut. Ouais. Bon, ça ne veut pas dire que ceux qui le font. Oui, bien sûr, c'est parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'on n'a pas le choix, bien entendu. Voilà. Mais il y a certaines femmes qui préfèrent faire passer leur vie de femme avant. Oui. Ok, donc pour vous, dans votre livre, donc là, une amitié si particulière, Hélène trouve la force dans la force de ses enfants, quelque part. Complètement, dans la force de sa famille. Sa famille qui est tout pour elle et qu'elle ne veut pas, d'ailleurs, qu'elle ne veut pas non plus briser pour ce beau brin. Même si elle est très, très attirée, elle ne voudra pas briser sa famille pour ce beau brin. C'est marrant ce que vous me dites, parce que ma grand-mère me disait toujours, un homme, ça se remplace, des enfants, c'est éternel. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Ouais. Et je me rends compte, à mon tour maintenant, qui suis mère, que c'est tellement vrai. Mais oui, c'est tellement vrai. Une mère, c'est mes enfants, je veux dire, il n'y a rien qui peut passer avant. Rien. Jamais je ne ferai passer un homme avant mes enfants. Et je pense que Hélène, c'est ça qu'elle c'est veut pareil. Faire ressortir. Quoi. Oui. Après, elle n'était pas malheureuse. C'est plus qu'elle était, elle avait une existence un peu insipide. Voilà, métro, boulot, dodo, son mari qui n'était pas méchant, mais qui était... Trop effacé. Quoi. Sans surprise. Voilà. Et puis, non plus sans charisme. C'est toujours, fais comme tu veux, va où tu veux. Elle s'ennuyait un petit peu. Et alors là, il y a cet homme qui arrive, c'est... Pour elle, ça chamboule tout, ça éveille tout, même dans ses sens et tout ça, ça change tout, quoi. Alors, on va faire une première coupure musicale avec un titre que vous avez choisi, Martine, qui s'appelle Amazing Grace, que vous appréciez beaucoup. J'adore cette musique. Et alors, pourquoi ? Ça évoque quoi pour vous ? Je ne sais pas, elle éveille quelque chose en moi. Chaque fois que je l'entends, ça me fait frissonner, j'adore. Ouais. Et j'adore, déjà, j'aime beaucoup le folk breton, Triane. Ouais. Donc, il y a beaucoup, ça a un petit peu une correspondance aussi à mes oreilles. Un petit peu, ça ressemble un peu, ça me rappelle. Parce comme, que comme diraient les jeunes, ça vous fait kiffer. Ça me fait kiffer, tout à fait ça. Je suis une inconditionnelle de la musique bretonne, du folk breton, Triane par exemple, enfin surtout Triane. Et en fait, Amazing Grace, ça me réveille ça. C'est, d'accord. Voilà. Alors on va écouter et on revient juste après. Amazing grace, Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans cette deuxième partie de Caprice de lecture, toujours en présence de Martine Lambollet, mais cette fois-ci, non pas pour une amitié si particulière, mais pour La promesse oubliée, où nous retrouvons Hélène dans un passé pas si lointain, si on veut suivre un petit peu la chronologie. On est en 1975, Hélène a 15 ans et elle tombe enceinte. On se remet dans le contexte des années 75. Martine, pourquoi avoir choisi ce thème ? Une grossesse non désirée. Oui, voilà, c'est une grossesse non désirée. Il y a tellement de jeunes filles qui ont vécu ça à cette époque-là et c'était tellement mal vécu. À l'époque, on montrait du doigt, c'était fille-mère, oui. On était encore dans les foyers maternels. C'était fille très... facile. Fille facile, voilà. Les garçons pensaient que c'était une fille qui couchait puisqu'elle était enceinte, alors que pas du tout. Il y a tellement de jeunes filles naïves qui se sont fait avoir par des belles paroles. Et... Est-ce qu'en 1975... On parlait sexualité, alors sexualité, comment on fait un enfant, comment fonctionnent les organes d'une fille, d'un garçon. Est-ce qu'on parlait de ça ou est-ce que c'était complètement tabou ? On en parlait très très peu. Moi j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'avait offert un livre pour me montrer comment ça marchait chez la femme, montrer un petit peu les cycles et tout. Mais ça, c'était... Une conversation ouverte. À l'époque, les enfants avaient encore leur place d'enfant. Et les parents, leur place de parents, ce qui n'est plus de nos jours maintenant. 50 ans plus tard, voilà, c'est très compliqué. 50 ans plus tard, on voit vraiment la différence où les enfants, maintenant, ils se mêlent de tout, ils écoutent tout, ils connaissent tout. Les enfants rois. C'est des enfants rois. On a fait une génération d'enfants rois. Parce qu'il est plus facile de dire oui à un enfant que de dire non. Voilà. Et à cette époque-là, tout était caché parce qu'il y avait des choses qui ne se disaient pas. Ça ne se faisait pas, ça ne se disait pas. En plus, Hélène, elle a grandi dans une famille un petit peu, de la petite bourgeoisie, où ça ne se faisait pas, évidemment. Alors, on ne parlait pas de tout ça, et certainement pas, on ne parlait pas de pilules, tout ça, ça n'existait pas comme de nos jours. Ni d'ailleurs, au début du roman, vous décrivez parfaitement bien, sous les traits d'Hélène, comment elle va le dire à sa mère ? C'était très compliqué. Comment le dire ? Parce qu'elle sait que de toute façon, ça va créer une espèce de tsunami, mais elle n'a pas d'autre choix que de le dire de toute façon. Voilà, c'est ça. Alors, Hélène, elle a reculé, mais il y a bien un moment donné où il a fallu le dire, affronter la réalité, et après, affronter ce qu'on lui a proposé pour continuer, puisque de toute façon, il fallait bien faire un choix avec ce bébé qui arrivait. Et Hélène était vraiment... Elle savait quand même qu'elle voulait garder ce bébé. Ouais. Ça, c'était une certitude dans sa tête. Bon, alors certainement qu'il y a un petit peu de moi qui ressort parce que contre l'avortement, c'est pas que je suis... Voilà, mais c'est quand même facile. Maintenant, on a beaucoup plus facile. Si on ne désire pas un enfant, déjà, il y a la pilule, il y a l'avortement. À l'époque, on n'avait pas tout ça. Il y a la pilule du lendemain. Voilà, il y a la pilule du lendemain. Et bon, ça évite aussi certaines situations qui étaient catastrophiques. Et je trouve ça bien que vous ayez mis ça en 75, parce qu'on est juste après la loi pour l'avortement de Simone Veil, qui s'était fait chahuter à l'Assemblée nationale. Elle aussi, avec un parcours incroyable, cette femme courageuse à souhait. Et je trouvais que l'histoire d'Hélène tombait presque à pic dans ce contexte politique, si on dézoome un peu sur ce que vous racontez. Et Hélène, quelque part, elle s'en tire pas trop mal. Elle s'en tire même bien. Pas trop mal, parce qu'il y avait des jeunes filles à l'époque dès que les parents racontaient ça, elles étaient jetées à la rue, Et débrouille-toi. C'est bien pour ça que j'ai insisté sur le côté du foyer, où on voit bien qu'Hélène avait une situation privilégiée par rapport au reste des jeunes filles. Et c'est pour ça qu'il fallait bien comprendre qu'à l'époque, il y a eu des cas comme Hélène qui ont eu extrêmement de chance, mais il y a eu tellement de cas comme les autres filles qui étaient avec elle et qui n'ont pas eu cette chance-là, qui se sont retrouvées en foyer, qui étaient complètement démunies. Et à l'époque, j'ai même connu des gens qui allaient faire... des avortements clandestins, où ça donnait forcément... Les faiseuses d'anges, voilà. Et ça donnait forcément... souvent, d'ailleurs, des problèmes après. Quel combat pour les femmes. C'est bien, parce qu'on est pile à 50 ans après. Oui. Voilà. Et on voit l'évolution. Quel combat pour les femmes. Quel combat. Voilà. Maintenant, les jeunes filles, elles ont quand même de l'écoute. Elles ne sont plus laissées pour compte. Un demi-siècle de combat. Ouais. Quand même. Quand même. Et on est quand même arrivé fièrement à ce que ces jeunes filles-là souffrent moins maintenant. Oui, je ne dis pas que c'est facile maintenant, non, quand on se retrouve seule avec un enfant. On essaye de faire en sorte que tous les moyens soient mis en place. Voilà, elles peuvent obtenir des moyens, et puis elles ne sont plus jugées pareilles. Ouais. Ça, c'est très important, le jugement. Hein, oui. Parce que, je veux dire, ça peut arriver à tout le monde, il faut le savoir. Et il n'y a pas de malin dans les histoires-là. Hein, je veux dire, ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde peut avoir un enfant, une fille qui se retrouve du jour au lendemain célibataire. Et comment l'accompagner au mieux. Moi, j'espère qu'à travers ce livre-là, on peut comprendre que... Il faut rester, quoi. Il faut pas juger, même si c'est pas facile, il faut pas juger. Enfin, moi, je suis contre le jugement parce que je dis toujours, on ne sait jamais derrière une situation ce qui se cache. On ne sait jamais dans la personne ou quand on a fermé une porte, ce qui se passe derrière. On ne peut pas juger sur le peu qu'on voit de l'histoire d'une personne, de sa situation. Là, je suis d'accord avec vous. Alors justement, Martine, c'était l'objet de ma quatrième question. Aujourd'hui, Martine Lambollet, moi, je vous connais en tant qu'autrice très humaine. Vous êtes qui ? Est-ce que vous êtes une femme qui a fait la paix avec elle-même ? Est-ce que vous êtes une femme qui avait toujours aimé aider les autres ? Ou c'est un besoin pour vous ? Martine Lambollet, aujourd'hui, c'est qui ? Ben, je crois que Martine Lambollet, elle est la même qu'elle était jeune. Et je pense qu'elle restera comme ça jusqu'au bout. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas m'empêcher d'aider les autres. Je veux dire, c'est comme ça, c'est dans mon ADN. D'ailleurs, tous mes livres, tout le monde me dit, quand on a lu tes livres, on te connaît, particulièrement mon livre de poèmes. Ouais. On me dit, mais elle est plus un poison. On me dit, mais quand on a lu ce livre, on te connaît. Et en fait, je vois bien, moi, je refuse, par exemple, on me dit, essaie de vendre tes livres sur Amazon. Mais je me refuse complètement parce que je ne veux pas dépendre d'un ordinateur, de quelque chose où c'est complètement anonyme. Vous aimez bien, vous êtes quelqu'un, en discutant avec vous comme ça, moi j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très altruiste. Vous aimez écouter les autres et même, effectivement, vous me le disiez tout à l'heure hors antenne et je crois que vous avez mis le doigt dessus, mais si je peux apporter un petit rayon de soleil en un quart d'heure d'échange... Bah pour moi, ça me fait ma journée. Voilà, et c'est ce que je dis tout le temps dans mes salons. Quand je fais beaucoup de salons, là, je vais faire des marchés de Noël. Ça, je ne perds jamais mon temps, même si je ne vends pas, ce qui en général n'arrive pas, mais dire même si je ne vends pas, ça m'est égal. Parce que je veux dire, je fais toujours des belles rencontres. Moi, à force, on sent un petit peu les gens. Enfin, moi, je sens les choses. Mais vous avez un feeling avec les gens, vous. Oui, et vous sens sentez. Sens les gens qui vont m'acheter ou pas. Et quelquefois, j'ai des personnes, elles regardent mes livres, elles les tournent dans tous les sens. Puis après, elles me disent, oh oui, mais moi, j'ai perdu mon chien, et puis moi, je suis malheureuse. Puis moi je suis malade et puis en fait à la fin elles partent et puis elles prennent ma carte, elles m'ont pas acheté mon livre, mais moi ça m'est égal parce que si j'ai pendant un quart d'heure je les ai écoutés et si pendant un quart d'heure ça leur a fait un rayon de je veux pas dire de plaisir ou de bonheur, mais oublier un peu leurs soucis. Vous êtes peut-être tout simplement une faiseuse de réconfort. Mais je ne sais pas, j'ai toujours été comme ça quand j'étais jeune. Pareil quand vous étiez très jeune. J'ai toujours été comme ça, dans la classe, même jeune. Hein, quand il y avait une gamine que quelqu'un refusait dans la classe, moi c'était pour moi. Un chien perdu sans collier, ça a toujours été pour moi. Vous depuis toute jeune. Vous n'aimez pas l'injustice, du coup. Non, je ça refuse vous... de. Non. Ouais. Je sais qui est Martine et maintenant. Oui, Martine, dernière question avant qu'on passe donc à la deuxième coupure musicale. C'est quoi la journée type de Martine Lambollet quand elle écrit? Alors, il y a des gens qui se lèvent et qui écrivent dans certaines parties de la journée. Moi, non. Moi, c'est quand j'ai envie. Voilà. D'accord. J'ai envie. Et pareil, je me refuse à me forcer, à me dire aujourd'hui, il faut que j'écrive, il faut que tu fasses une page. Est-ce que vous écrivez tous les jours un peu ou quelquefois, vous pouvez être deux, trois jours en disant, non, là, j'ai pas le truc, donc j'écris pas. Non, il y a des fois, je me dis, non, pas aujourd'hui, parce que j'ai fait autre chose. Ou vous avez besoin peut-être, vous, de respirer un petit peu, prendre l'air. En fait, moi, je vais dire, ça coule tout seul. Je ne cherche pas. J'ai pas besoin de chercher. Les mômes viennent comme ça. C'est comme mes poèmes. Je raconte souvent, parce que mes poèmes, quand j'ai un thème en tête, je m'assieds. En un quart d'heure, je l'ai fait sur le coin de la table. Ok. Je veux dire, ça vient comme ça. Ça vient. Donc, pas de pression. J'ai pas de pression. Non, je me mets surtout pas la pression, parce que je n'ai aucune prétention. Vous écrivez. Plutôt le matin ou l'après-midi, c'est quoi votre période? Plutôt l'après-midi, ouais, tranquille. Ouais. Plutôt l'après-midi quand je suis tranquille. Ok, voilà. Fond de musique ou pas? Ah non, dans le calme. Dans le calme total. Complet. Je ne supporte pas le bruit, je ne veux pas qu'on me parle. Grignotage ou pas? Pas du tout, jamais. Non. Il faut simplement que j'ai mon ordinateur et que je sois tranquille. D'accord. Et voilà. Ok, mais j'aime bien parce que quelquefois les auditeurs aussi, ils aiment bien savoir comment les gens écrivent. Il y a tellement de... vous savez, de légendes. Bah tiens, elle écrit que la nuit, lui il écrit qu'entre 5h et 8h du matin. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire bah qu'il existe encore des auteurs qui se mettent pas la pression. Par contre, j'ai toujours un bloc et un stylo dans ma table de nuit. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, oh, j'ai une idée, même si c'est dans la nuit, j'allume, hop, j'écris mon idée avant qu'elle parte et que je la remette le lendemain. Voilà. Alors, on va faire une deuxième coupure musicale, aussi de votre choix, La lettre à Élise. Oui. Donc, grand classique de musique classique, j'ai envie de dire. Pourquoi La lettre à Élise ? Alors, tout simplement parce que quand j'étais jeune, j'ai fait 9 ans de piano. Ouais. Et j'ai toujours mon piano à la maison. D'ailleurs, mes enfants râlent chaque fois qu'on déménage parce que c'est très lourd, mais je ne veux pas m'en séparer parce qu'il a une symbolique. Très bien. C'était mon cadeau de communion quand j'ai fait ma communion. D'accord. C'est tellement important pour moi. Et pour vous, il est toujours là. Il est toujours là. Alors, quelquefois, je joue, pareil, c'est comme l'écriture. Des fois, je joue, des fois, je ne joue pas. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Il y a des fois, je peux rester 3 semaines sans l'ouvrir, 1 mois, et puis des fois, je vais jouer un petit coup tous les jours. Voilà. Alors, c'est sûr que quand je reste un peu trop longtemps, quand je redémarre, on cafouille un peu. Oui, après, ça revient. Alors, pourquoi La lettre à Élise ? Parce que c'est un morceau que j'ai toujours aimé enfant et c'est un des grands morceaux que mon professeur de piano m'avait fait apprendre à l'époque. Grand morceau entre guillemets. Oui, mais La lettre à Élise, c'est vraiment, tout le monde connaît. Et quand elle m'a fait apprendre ça, j'avais l'impression de... Donc c'est resté dans mon cœur, La lettre à Élise, voilà. D'accord. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et dernière partie d'émission, toujours en présence de Martine Lambollet. Martine, pouvez-vous nous dire quel est votre caprice de lecture ? La parole est à vous. Alors, mon caprice de lecture, j'ai choisi Petroni d'Amélie Nothomb. Ok. Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup Amélie Nothomb. Je sens qu'elle est chère à votre cœur, Amélie Nothomb. Oui, elle est chère à mon cœur. Pourquoi ? Parce que je l'ai rencontrée, ça fait 7 ans maintenant, au Livre sur la plage. J'allais toujours au Livre sur la plage. Et puis, j'aimais bien aller voir les auteurs, un peu comme tout le monde, évidemment. Et j'aime beaucoup Amélie Nothomb. Alors, pas pour tout ce qu'elle écrit, parce que je n'aime pas tout ce qu'elle écrit. Pour le personnage. Elle le sait, mais pour le personnage. Bah, voilà. Oui. C'est un personnage très particulier. Et elle a une tellement grande accroche avec son public. Donc, on a discuté. Le courant est passé tout de suite. Elle m'a dit, Martine, écrivez-moi. Il y avait une queue d'au moins une heure derrière. Donc, je lui ai dit, OK, j'ai pris ses coordonnées et je lui ai écrit. Et total, maintenant, ça fait 7 ans qu'on correspond avec Amélie. Amélie a lu mes ouvrages, je l'envoie, j'ai ses commentaires. D'ailleurs, quand j'ai fait mon livre de poésie, Miel et Poison, elle a, sur ses conseils, j'en avais fait plus de 60. Ouais. Elle m'a dit, pas plus de 30, il ne faut pas que ce soit trop gros. Ouais. Enfin, voilà, quoi. Et donc. C'est ce qui vous a donné confiance en vous pour. Ce qui m'a donné confiance en moi, c'est que je lui avais dit que j'avais commencé à écrire une amitié particulière. Puis je me suis dit, si c'est pour écrire quelque chose qui n'est pas correct, c'est dommage, quoi. Puis j'en avais parlé. Elle me dit, écoutez, je fais un Saint-Dié des Vosges, eh ben, venez me voir et puis amenez-moi la première partie de votre livre. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée la voir à Saint-Dié avec la première partie de mon livre. Okay. Elle m'a dit, je vous promets, Martine, je lis dans le train, je vous dis. 3 jours après, j'avais la réponse, j'attends la suite. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Je me suis dit, bah. Ça vous a donné super confiance en moi. Ça m'a donné confiance en moi, me dire génial, que, bah voilà, quoi. C'est une belle expérience. Mmh. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Petroni ? Alors oui, Petroni, c'est un personnage très, très singulier d'Amélie, qui a une fin très, très particulière aussi. Ouais. Et. Amélie a plusieurs romans qui sont un petit peu comme ça, spéciaux. Oui, oui. Et moi, j'aime bien ce qui est un peu original, qui sort de l'ordinaire. Donc, voilà. Et puis, en plus, je trouve que ça la représente tellement, parce qu'Amélie Nothomb aime le champagne. C'est un scoop pour personne, parce que dans tous les interviews, elle le dit, elle a toujours son champagne. Oui. Et dans ce personnage, Petroni, ça reflète tellement Amélie que j'aime beaucoup ce gros livre. Coup de cœur. Et je sens que ça j'ai eu un coup de cœur, reparler en plus de cette rencontre, je sens que ça vous revenez 7 ans en arrière. Bah oui, parce que c'est quelqu'un qui est toujours aussi agréable. C'est quelqu'un que, bon, cette année, elle n'est pas venue au Livre sur la place, mais je suis allée la voir l'année dernière et je pourrais vous montrer le commentaire, ce qu'elle me dit au téléphone. C'est, moi, je me dis, quand elle me dit, oh, Martine, Amélie Nothomb, quand je la vois, par exemple, quand elle dédicace, elle dit, je dédicace pour tout le monde sous le chapiteau, sauf pour Martine, parce qu'elle sait que j'ai des soucis avec ma santé. Donc, je veux dire, c'est quand même vachement. Enfin, très important. Oui. Et je veux dire, voilà, quoi, ça me fait plaisir qu'Amélie Nothomb, ou quand elle est dans la foule et qu'elle vient me dire bonjour, ça me fait plaisir qu'Amélie Nothomb sache qui est Martine Lambollet. Tout simplement, modestement. Hein, mais c'est aussi pour vous une sorte de reconnaissance. Voilà, pour moi, c'est chouette. Une sorte de reconnaissance qui fait que, ben, en fait, c'est pareil. Ça n'apparaît pas dans mes livres là, mais dans mon dernier livre, c'est mon parcours. Et en fait, par rapport au parcours que j'ai eu, avoir une reconnaissance comme ça, ben, c'est chouette. C'est chouette, ouais. Martine Lambollet est aussi une personne reconnue maintenant. Voilà, ça et je trouve plaisir. Ça chouette. Je suis très contente pour vous, Martine. C'est super. J'ai bien insisté modestement, hein, parce que je veux dire, aucune mais prétention. Mais ne soyez pas trop modeste, parce que ben, ça veut dire que ça vaut le coup. Donc vous avez bien raison de le dire. Alors, Martine, pour terminer, oui. Y aurait-il un salon, peut-être, qui se profile où les auditeurs de Caprice de Lecture et tous les autres qui ont envie de vous rencontrer pourraient venir? Alors, le prochain salon, eh bien, c'est le 1er février à Saint-Nicolas-de-Port. Ok, c'est un salon annuel, je crois. Oui, un salon annuel. Organisé par, c'est la MJC. La MJC qui organise, oui. Ok. Eh bien, écoutez, les auditeurs, vous pourrez aller rencontrer Martine Lambollet et lui parler, si vous le souhaitez, de Une amitié si particulière et La promesse oubliée, mais pas que. Martine a plein d'autres livres qu'elle pourra, vous présenter et vous pourrez échanger avec elle. Martine, ce fut un vrai plaisir de vous recevoir dans Caprice de Lecture. Eh ben, merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci à vous. J'étais très contente. Et puis, on se dit à très bientôt. Eh ben, à très bientôt et merci encore. Merci, au revoir. Au revoir.